Chapitre deuxième. Rose et épines. Marguerite avait repris sa robe noire et se rendait à Helstone avec son père, qui était venu à Londres pour le mariage d'Edith. Sa mère avait été retenue chez elle par une foule de demi-raisons que personne n'avait bien comprises, excepté Mr. Hale, dont les arguments en faveur d'une robe de satin gris un peu ancienne, il est vrai, mais encore fraîche, avaient complètement échoué. Comme il n'avait pas l'argent nécessaire pour équiper sa femme des pieds à la tête, celle-ci n'avait pas voulu se montrer au mariage de la seule nièce qu'elle eût au monde. Si Mrs. Shaw avait pu deviner le motif qui empêchait Mrs. Hale d'accompagner son mari, elle aurait fait pleuvoir chez sa sœur les robes et les dentelles. Mais il y avait près de 20 ans que la pauvre et jolie Miss Burstford avait épousé le général Shaw, et depuis lors, elle avait réellement oublié toutes les difficultés de la vie, et ne connaissait plus, de tous les maux d'ici-bas, que le malheur d'avoir un mari beaucoup plus âgé que soi. Malheur qui lui inspirait d'intarissables commentaires. Mais cette chère Marie avait épousé l'homme qu'elle aimait, un être charmant, plein de douceur, n'ayant que 8 ans de plus qu'elle et des cheveux d'un si beau noir. Mr. Hale était l'un des plus délicieux prédicateurs qu'elle eût jamais entendu, le modèle accompli du prêtre de campagne. Peut-être n'était-ce pas une déduction logique de ses prémices, mais lorsqu'elle pensait au sort de sa sœur, Mrs. Shaw ne manquait jamais d'en tirer cette conclusion. Mariée par amour, qu'est-ce que cette chère Marie peut désirer sur terre? Ce à quoi Mrs. Hale eût répondu immédiatement si elle avait été franche. Une robe de soie gris-perle, un chapeau blanc, une douzaine d'autres choses pour aller à la noce, et des centaines d'objets qui manquent dans mon ménage. Marguerite se disait tout bonnement que sa mère avait préféré ne pas venir, et pour sa part elle n'était pas fâchée que leur réunion se fît au presbytère, plutôt que pendant le tohu-bohu que ce mariage avait occasionné dans la maison de Harley Street, où elle avait dû, comme Figaro, se trouver partout à la fois. Elle souffrait d'esprit et de corps au souvenir de tout ce qu'elle avait dit et fait depuis 48 heures. Les adieux précipités qu'au milieu de tant de paroles insignifiantes elle avait échangées avec sa tante et sa cousine la remplissaient de tristesse et lui faisaient regretter les jours qu'elle avait passés auprès d'elle. Qu'importait ce qu'elle avait pu souffrir pendant ces 10 années? Elle ne se rappelait qu'une chose, c'est qu'elle ne reviendrait plus. Jamais elle n'aurait pu croire qu'il lui fût possible d'avoir le cœur aussi gros en retournant au presbytère, à ce séjour préféré où elle devait mener la vie qu'elle désirait depuis longtemps. Elle se sentait si profondément triste, surtout quand vint le soir, à l'heure des aspirations et des rêves, qu'elle fit un violent effort pour s'arracher au passé et pour envisager l'heureux avenir qui l'attendait à Helstone. Ses yeux regardèrent, non plus la maison de Harley Street, mais son père qui dormait dans un coin du wagon. Les cheveux noirs de Mr. Hale avaient blanchi, et couvraient son front de leurs mèches aujourd'hui clairsemées. Son visage amaigri aurait perdu de sa beauté si ses traits avaient été moins purs. Mais les années, tout en les altérant, leur avaient laissé la grâce et l'harmonie qui leur étaient particulières. Toutefois, malgré le profond sommeil où était plongé Mr. Hale, sa figure exprimait plutôt l'accablement qui suit la fatigue que le repos et la sérénité d'une âme tranquille et satisfaite. Marguerite fut frappée de l'inquiétude et de la souffrance que révélait ce front pâli, et chercha dans la vie de son père ce qui pouvait avoir creusé ses rides, où se lisaient l'abattement et la douleur. « Pauvre Frédéric, » se dit-elle en soupirant. « Si au lieu d'entrer dans la marine il avait été prêtre, il ne serait pas perdu pour nous. Je voudrais bien savoir tout ce qu'il concerne. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'en disait ma tante. Je sais seulement qu'il ne peut pas revenir dans son pays à cause de cette terrible affaire. Pauvre père, comme il a l'air triste. Et ma mère, que je suis contente de retourner à la maison pour les consoler tous les deux. » Lorsque son père s'éveilla, elle le salua d'un radieux sourire où l'on n'apercevait nulle trace de fatigue. Mr. Hale lui sourit à son tour, mais faiblement, comme s'il n'y était plus accoutumé. Et sa figure reprit aussitôt son expression de tristesse. Il avait une certaine manière d'ouvrir constamment la bouche comme s'il allait parler. Habitude, qui en effaçant les lignes de ses lèvres, donnait à son visage une physionomie indécise. mais ses grands yeux pleins de douceur, qui tournaient lentement dans leur orbite, voilés de paupières transparentes, ajoutaient à cette indécision quelque chose de profondément pensif. Marguerite avait les yeux de son père, à qui elle ressemblait, sans avoir néanmoins la régularité de ses traits. On s'étonnait même que des parents aussi beaux eussent pu avoir une fille que certaines gens étaient loin de trouver jolie. Sa bouche était grande, ses lèvres, largement dessinées et d'un beau rouge, n'avaient rien de commun avec ces boutons de rose qui ne s'entr'ouvrent bien juste que pour laisser tomber un oui, un non, un « s'il vous plaît, monsieur ». Sa peau était brune, mais d'une finesse et d'un poli d'ivoire, et si elle avait en général trop de réserve et de dignité pour une personne de son âge, maintenant qu'elle parlait à son père, sa figure rayonnait comme le matin d'un beau jour et n'était plus que Fossette, regard joyeux et sourire qui exprimait le bonheur et l'espoir. Ce fut à la fin de juillet que Marguerite revint au presbytère. Les arbres étaient d'un vert foncé, la chaleur était étouffante et un calme profond régnait dans l'atmosphère. Marguerite accompagnait son père dans ses courses et prenait un plaisir cruel à poser son petit pied sur la fougère qui, en s'écrasant, répandait la senteur qui lui est propre. Elle aimait à parcourir les vastes communaux inondés de lumière, de chaleur et de parfums, à regarder les myriades d'insectes qui folâtraient au soleil, et les herbes et les fleurs que l'été faisait naître. La vie qu'elle menait, ou du moins ses promenades, réalisait ses rêves. Elle était fière de sa forêt. Elle en aimait les habitants et avait parmi eux des amis sincères et dévoués. Elle avait appris les locutions qui leur étaient particulières et les employait avec plaisir. Elle soignait leurs enfants, causait avec les vieillards ou leur faisait la lecture, apportait des friandises aux malades, et bien qu'elle eût pris la résolution d'aller chaque jour avec son père à l'école du village pour y donner des leçons, elle en était continuellement détournée par la tentation d'aller voir l'un ou l'autre de ses amis de la forêt. Au dehors, sa vie était parfaitement heureuse. À l'intérieur, elle avait ses ennuis. Tout n'allait pas bien au presbytère, et dans sa candeur filiale, Marguerite se blâmait de la pénétration qu'il en faisait apercevoir. Sa mère, toujours si bonne et si tendre envers elle, éprouvait de temps à autre une profonde irritation de l'état de gêne où il vivait. Mrs. Hale pensait que l'évêque négligeait singulièrement ses devoirs épiscopaux en ne donnant pas à son mari un meilleur bénéfice et reprochait à ce dernier de ne pas solliciter l'avancement qu'il méritait. Mr. Hale répondait alors en soupirant que s'il pouvait remplir ses devoirs à Hailstone, il n'en demandait pas davantage, et il se montrait chaque jour de plus en plus accablé. Marguerite, voyant que ses entretiens où il était question d'un changement de résidence augmentaient encore la tristesse de son père, tâcha de réconcilier sa mère avec sa position. Mrs. Hale répondit que le voisinage de la forêt nuisait à sa santé. Marguerite essaya de l'entraîner dans les communaux rayés d'ombre et de soleil, car elle trouvait que sa mère, qui ne sortait jamais que pour aller à l'église, pour visiter l'école ou bien quelques voisins, menait une vie trop sédentaire. La promenade eut d'abord un assez bon résultat, mais, quand arriva l'automne, les doléances de Mrs. Hale recommencèrent. Elle se figura plus que jamais que le pays était malsain, et demanda plus souvent et avec plus d'aigreur pourquoi son mari n'avait pas obtenu l'avancement qu'on avait donné à Mr. Hume et à Mr. Holdsworth, qui étaient loin d'avoir son instruction et son zèle. Marguerite ne s'attendait pas à ces plaintes continuelles qui troublaient la paix du foyer domestique. Elle savait bien qu'il lui faudrait renoncer au luxe qu'elle avait chez sa tante, et loin de le regretter, elle s'en félicitait, car la plupart du temps ce n'était pour elle qu'une source d'ennui qui entravait sa liberté. D'ailleurs, la conscience de pouvoir en supporter la privation avec courage, dans le cas où cette privation se ferait sentir, compensait à ses yeux la perte de bien des jouissances matérielles. Mais les nuages ne viennent jamais du côté où nous regardons l'horizon, et Marguerite, qui ne se rappelait d'Hailstone que la joie des vacances, avait oublié les regrets dont sa mère l'avait entretenue quelquefois au sujet de leur position. Quand, vers la fin de septembre, commencèrent les pluies et le vent d'automne, il fallut renoncer à la promenade et garder le coin du feu. Helstone était loin de tout voisinage que put cultiver la famille du pasteur. « C'est assurément l'un des endroits les plus tristes de l'Angleterre, » disait Mrs. Hale dans ses jours d'humeur. « Je ne puis m'empêcher de regretter sans cesse que ton père n'ait pas une seule personne à voir. Cet isolement ne lui vaut rien. Si nous habitions seulement à l'autre bout de la paroisse, ce ne serait plus qu'une promenade pour aller chez les Stansfield et même chez les Gorman. » « Les Gorman, » répondit Marguerite, « n'étaient-ils pas marchands à Southampton, où ils ont fait fortune ? Je suis bien contente que nous n'ayons pas de relation avec eux. Je n'ai jamais aimé les boutiquiers. Je trouve qu'il vaut bien mieux n'avoir de rapport qu'avec des paysans, des ouvriers, des gens au moins qui n'ont pas de prétention. » « Il ne faut pas être si dédaigneuse, chère Marguerite, » reprit sa mère en pensant au fils de Mr. Gorman, beau jeune homme qu'elle avait rencontré chez Mr. Hume. « Je ne suis pas dédaigneuse. Je crois au contraire avoir le goût fort éclairé. J'aime tous ceux qui travaillent à la terre, les soldats, les marins, les gentlemen des trois professions savantes, comme ils s'appellent. Je ne suppose pas que vous vouliez me faire admirer les boulangers, les bouchers ou les fabricants de chandelles. » Mais les Gorman n'étaient ni l'un ni l'autre, ils étaient carrossiers. Qu'importe, ce sont toujours des marchands, et beaucoup moins utiles que les boulangers et les bouchers. Mon Dieu, que j'étais ennuyé des promenades en voiture qu'il fallait faire tous les jours avec ma tante. Si vous saviez combien j'avais envie d'aller à pied. » Et Marguerite, en dépit du mauvais temps, allait se promener avec son père. Elle se trouvait si heureuse quand elle était dehors qu'elle en bondissait de joie. Poussée par le vent, lorsqu'elle traversait les clairières, elle semblait être entraînée comme une feuille que la brise d'automne emporte. Mais il fallait revenir, et la soirée était difficile à passer d'une manière agréable. Aussitôt après le thé, son père entrait dans son cabinet, et Marguerite restait seule avec sa mère. Mrs. Hale n'aimait pas beaucoup les livres, et son mari avait renoncé à lui faire la lecture. Le tric-trac avait été pour eux une ressource pendant quelque temps, mais la partie, que venaient souvent interrompre les devoirs du pasteur, ne tarda pas à devenir insupportable à Mrs. Hale, et Mr. Hale passa désormais toutes ses soirées dans sa bibliothèque avec ses livres de théologie et de métaphysique dont il faisait ses délices. Chaque fois que Marguerite venait en vacances, elle apportait une caisse de livres que lui avaient recommandé ses maîtres ou sa gouvernante, et que les jours d'été n'étaient pas assez longs pour lui permettre de lire avant de rentrer à Londres. Aujourd'hui, les tablettes du salon étaient garnies des classiques anglais qu'elle avait enlevés de la bibliothèque de son père, où ils étaient rarement feuilletés, et parmi lesquels les Saisons de Thomson, le Cowper de Hayley et le Cicéron de Milton étaient les plus nouveaux et les moins indigestes. Les tablettes du salon n'étaient vraiment pas une ressource contre l'ennui des longues soirées de novembre. Marguerite racontait alors à sa mère la vie qu'elle menait chez sa tante, mais ces détails, que Mrs. Hale écoutait toujours avec un nouvel intérêt, la poussaient parfois à comparer la position de sa sœur avec celle que lui donnaient les maigres appointements de son mari. Dans ce cas, Marguerite interrompait subitement la conversation et prêtait l'oreille en silence aux gouttes de pluie qui tombaient sur l'auvent du perron. Une ou deux fois, elle s'était surprise à compter machinalement la répétition de ce bruit monotone, et se demandait alors si elle pouvait hasarder une question relative au sujet dont son cœur était préoccupé. Demander où était Frédéric, ce qu'il faisait, et s'il y avait longtemps qu'on avait eu de ses nouvelles. Mais la conviction où elle était que la mauvaise santé de sa mère et son dégoût pour Helstone dataient de l'époque à laquelle Frédéric s'était trouvé mêlé à cette rébellion retenait chaque fois la parole sur ses lèvres. Elle aurait probablement appris peu de choses de nouveau. Dans la dernière lettre qu'elle avait reçue à Londres, Mr. Hale lui disait que Frédéric avait écrit qu'il était toujours à Rio, qu'il se portait à merveille, et lui envoyait l'expression de toute sa tendresse. Mais c'était autre chose qu'elle désirait savoir. Chaque fois qu'on parlait de son frère, ce qui arrivait bien rarement, on disait toujours « ce pauvre Frédéric ». Sa chambre était exactement comme il l'avait laissée, et régulièrement faite par Dixon, la femme de chambre de Mrs. Hale, qui n'aurait pas balayé quoi que ce fût du reste de la maison, et qui se rappelait encore le jour où Milady l'avait placée auprès de Mlle Burstford, les pupilles de Sir John, les beautés du Rutlandshire. Dixon avait toujours considéré Mr. Hale comme un véritable malheur dans la vie de sa maîtresse, dont il avait perdu l'avenir. Si Mrs. Beresford ne s'était pas tant pressée d'épouser un pauvre prêtre de campagne, qui sait quelle position elle aurait eue un jour? Mais Dixon lui était trop sincèrement attaché pour l'abandonner dans le malheur. Elle lui demeura fidèle après sa ruine, c'est-à-dire après son mariage, et se regarda toujours comme une bonne fée dont le devoir était de combattre la pernicieuse influence de Mr. Hale. Ce pauvre Frédéric avait été son favori et son orgueil, et c'était avec attendrissement qu'elle allait chaque semaine ranger sa chambre et l'essuyer avec autant de soin que si son jeune maître avait dû rentrer le soir au presbytère. Marguerite ne pouvait s'empêcher d'attribuer à de récentes nouvelles de son frère le surcroît d'inquiétude et de tristesse qu'elle remarquait chez son père. Quant à Mrs. Hale, elle ne semblait pas s'apercevoir de l'altération croissante des traits et du caractère de son mari. Il avait toujours été excessivement sensible, et ne pouvait entendre parler d'un malheur ou d'un crime sans en être profondément affecté. Mais ce qui frappait surtout Marguerite, c'était une absence d'esprit continuelle, comme si rien n'avait pu le distraire des pensées qui le préoccupaient sans cesse. Il visitait ses paroissiens moins souvent qu'autrefois. Il restait plus longtemps enfermé avec ses livres et guettait l'arrivée du facteur qui, jadis, avait besoin de frapper à plusieurs reprises au contrevent de la cuisine pour annoncer sa présence avant que personne songeât à lui répondre. Il allait maintenant l'attendre au jardin lorsque le temps était beau. S'il venait à pleuvoir, il se tenait à la fenêtre de son cabinet, dans une attitude rêveuse, jusqu'à ce qu'il eût aperçu le brave homme, qui ne manquait pas de le saluer d'un air à demi respectueux, à demi confidentiel, en descendant le chemin. Et il ne reprenait sa lecture qu'après l'avoir vu dépasser le vieux chêne et tourner la haie d'églantier qui le dérobait à ses yeux. Mais Marguerite se trouvait à un âge où il suffit d'un rayon de soleil pour dissiper l'inquiétude, surtout lorsqu'elle ne repose sur rien de précis. Quand arrivèrent les belles journées d'octobre, l'anxiété de la jeune fille s'envola comme les fines aigrettes du chardon, et Marguerite ne pensa plus qu'à la radieuse beauté de la forêt. On avait coupé la fougère, les profondes ravines qu'elle n'avait fait qu'entrevoir au mois d'août lui étaient maintenant accessibles, et sachant dessiner et peindre, elle avait trop regretté pendant la pluie de ne pouvoir faire quelques études d'après nature pour ne pas profiter de ces beaux jours. Elle préparait donc ses couleurs et sa planche quand Sarah, la domestique, ouvrant la porte du salon, annonça Mr. Henry Lennox.